Ah, dis, on t'est bien équipé. Ah oui, oui. Mais moi, c'est mon côté. Si un ne fonctionne pas, l'autre va racheter. Ah oui, c'est mais pas mal. Albin de la Simone m'a dit que ce serait bien de faire un mix des deux. Ah oui. Prendre le son des deux. Oui. Avec un clap pour que ce soit synchro. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, Albin, hein, c'est l'homme orchestre. Un peu comme toi, d'ailleurs. Mais tu as touché à tout dans la musique? Écoute, moi, je fais les choses un peu par défaut, parfois. Tu vois, c'est-à-dire... J'ai toujours voulu faire de la musique. OK. Mais après... Depuis l'enfance? Ouais. Mais après... Tu es né à quel endroit? Je suis né en Corse. OK. En 63. OK. Ajaccio ou... Bastia. Bastia, oui. Ouais. Et donc j'ai toujours voulu faire de la musique. Mais après, il m'est arrivé de faire des choses parce que j'y avais pas d'autre moyen de le faire. OK. Donc par exemple, produire des disques ou les faire un label, c'était pas un choix au départ. Mais... finalement, c'est pas plus mal. Mais moi, j'admire aussi les gens qui, en musique, font qu'une chose, tu vois, enfin, font un instrument ou un truc et vont au bout du truc. Je trouve que c'est vachement... Enrichissant. Ouais, c'est difficile. Oui. En même temps, je trouve que c'est... Tu vois, je pense aux instrumentistes classiques, au côté assez virtuose. Moi, j'admire ça parce que j'ai pas ce côté-là. Et je trouve que c'est super respectable parce que c'est ardu, ils se mettent dans des trucs qui sont difficiles. Est-ce que tu as une formation musicale? Oui. Ok. Ouais, j'ai une formation classique, mais j'ai une formation classique pas complètement aboutie. Donc par exemple, quand j'écris des arrangements, j'écris tout sur la partition, j'écris mes orchestrations. Mais je sais pas si je suis devant si je suis devant une grosse formation. Je vais, tu vois, j'ai pas étudié la direction d'orchestre, donc j'ose pas. Je leur dis, si je fais des gestes, vous regardez pas, faites pas attention et ça va aller. Alors tu fonctionnes à l'émotion, tu fonctionnes. Ouais, non, mais parce que tout est sur la partition en même temps. Ok. Donc, mais il y a des choses, j'admire les mecs, tu vois, un peu de l'âge d'or d'Hollywood, les mecs qui dirigent l'orchestre à l'image. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce qu'aujourd'hui, avec les clics, on met le métronome et ça suffit. Ouais. Mais bon, voilà, il y a des trucs que je... Mais je trouve qu'en musique, voilà, je me suis rendu compte parce que je suis arrivé à un moment justement où je voulais... je me disais, j'ai peur, je trouve que c'est bien de progresser. Et je voulais apprendre à nouveau des choses en musique. Mais en fait, il faudrait vraiment, si je voulais aller plus loin, je sais pas, dans la théorie musicale, dans des choses comme ça, que je fais de façon instinctive, il faudrait quasiment que je reparte à zéro, parce que je me suis fait un système qui me va très bien. Tu t'es fait un codage, tu t'es fait un langage. Donc l'an dernier, je suis allé à Schola Cantorum, qui est une école classique et tout. Oui, je connais. Ouais. Mais en fait, je me suis fait chier. Enfin, il aurait vraiment fallu que j'ai à nouveau 5 ans, quoi. Que je reparte à zéro. OK, parce que là, la compréhension est déjà faite, la formation et surtout le savoir. J'ai vachement de mal, ouais, j'ai du mal. Je suis allé voir, j'ai un ami qui m'a présenté Thierry Skeich, qui est un organiste génial. Et c'était super... Enrichissant. Enrichissant, et en même temps, il m'a dit... Ben, improvise. Okay. J'ai improvisé devant lui. En plus, l'orgue classique, c'est le seul domaine où les mecs, justement, savent improviser. Quoi. Okay. Et donc, il dit, ah ouais, ça c'est bien, ça, mais tu peux le faire ça un peu plus à la forêt. Et lui, il avait tout ce que je faisais d'instinct. Il avait déjà tout traduit en langage musical en disant, bon, ça, il y a l'influence de Ravel, là, il y a l'influence de forêt. Et lui, il le refaisait... Yann Sachin, il disait que lui, il fonctionnait aux couleurs. Il voulait avoir un rouge, il voulait avoir un bleu, avoir un gris. Ah, moi, je ne pourrais pas. OK, toi, tu es trop cartésien. Mais non, pas tant que... La musique, pour moi, c'est des sons. OK, je les entends. Ce que je veux jouer, je peux le faire, plus ou moins. Mais je ne me dis pas... C'est là où je suis content de ne pas avoir une... Je trouve que soit il faut être instinctif comme moi, soit il faut être boulaise, quoi. Mais le boulaise... Mais en même temps, je trouve que chaque truc a ses avantages. Mais quand tu as... c'est là où je veux pas connaître trop la théorie parce que je connais trop de musiciens qui tu joues quelque chose, Et ils sont là, ouais, alors là, t'as fait une septième diminuée, okay, machin. Ouais, truc, ouais, toi, t'en as rien à serrer. Ouais, t'entends les sons et tu les joues, quoi. Et toi, tu fais ça voilà, par instinct, juste comme par... ça. Et pour moi, et après, par exemple, la partition, ça sert à traduire ça. Mais je suis jamais dans la théorie en me disant, bon, alors là, j'ai fait un accord de comme si, alors il faut que je fasse un accord comme ça. Mais en fait, les gens qui t'écoutent, c'est ça, connaissent très souvent absolument rien à la musique, ouais. Et ils se laissent emporter un peu comme toi, alors tu veux ben, que... c'est ça qui est agréable. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait Les Nuits Fauves, la bande originale du film Les Nuits Fauves, oui. Et j'aimerais que tu m'en parles. Ah oui? Tu as aussi, oui, tu as travaillé avec Hans Jensen de No Button, qui est un groupe industriel allemand. Tu as travaillé avec tu as fait chanter une actrice. Oui, c'est vrai. Merci. Donc, mais qu'est-ce qui t'a amené aux Nuits Fauves, Hans Jensen de No Button, puis à Valérie Alors, de Merci? C'est marrant. Les Nuits Fauves, c'était parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui était chez Polydor. Est-ce que tu débutais? Ouais, vraiment. Enfin, j'avais fait très peu de choses. Okay. J'avais fait peu de choses. Et j'ai un ami qui était éditeur chez Polygram Musique, Robin Lepro. Et il me dit, écoute, il y a un film là un peu difficile. Cherchez-moi du boulot, quoi. Il me dit, ils auraient besoin d'un compositeur. Et je me souviens, c'était à Boulogne-Billancourt, au studio de Boulogne qui existait encore. Et je vais voir le film qui n'était pas fini, donc qui était... mais j'aime pas le film en fait. Ah. Je trouve le mec touchant, je trouve qu'il y a une énergie. Est-ce que tu l'as rencontré avant? Non, j'avais pas, mais je vais à la projection, je vois le truc, je me dis, je trouvais qu'il y avait une lourdeur dans certains trucs, je trouvais que c'était raté, mais qu'il y avait un charme parce que ce mec, on voyait le destin de ce mec qui allait mourir, on se sentait, et que c'était fait comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, banco, il faut y aller. Et en plus, je me disais, de toute façon, si c'est raté, ça fera une après-midi en salle, personne ne saura. Et il y a un peu d'argent aussi. Ouais, mais pas beaucoup. Okay. Mais c'était plus faire des choses. Okay. Non, je n'étais pas très bien payé. Et au fait, très vite, je me suis rendu compte que Cyril, il voulait que je lui arrange ses morceaux. Il ne voulait pas une musique originale. Comme ça, okay. Mais tu vois. Mais il avait besoin de quelqu'un pour l'aider sur ses chansons. Donc j'étais plus compositeur sur les trucs, mais arrangeur. Mais si, ça me va. Et en fait... Mais est-ce que tu peux expliquer au public, ouais, qu'est-ce qu'un arrangeur sur un album? Et bien là, en l'espèce, c'était pas un arrangeur au sens de diriger un orchestre, mais il avait des maquettes de chansons à lui. Il y avait d'abord certains morceaux qui avaient été faits par un de ses amis d'enfance, René-Marc Bigny. Et les chansons de Cyril, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à les faire aboutir. Il avait des maquettes. Et moi, j'essayais, ce qui était difficile, c'est que je m'accrochais avec lui pour, à mon avis, ce qui était son bien. C'est-à-dire que je trouve qu'il y avait un côté presque Francis Lalanne dans ses trucs, dans ses chansons. Et je voulais les rendre... C'est positif, Francis Lalanne? C'est quelqu'un de positif dans la musique, Francis Lalanne? Parce que plein de personnes ont des préjugés contre ce... Ben, à l'époque, moi, ça m'énervait. Okay. Aujourd'hui, il me serait presque sympathique, tu vois. Oui, mais, oui. Mais à l'époque, tu vois, je trouvais qu'il symbolisait un truc un peu... Ça n'existait pas encore, mais un truc un peu lourd, tu vois, dans l'expression. Okay, ouais. Et je sentais que Cyril, ses chansons, il fallait les dégager de certains trucs qui feraient qu'elles vieilliraient mal. Et donc, je l'empêchais un peu de certains trucs, tu vois. Ça l'énervait, mais en même temps, il disait, ouais, tu sais, quand je chante ça au nana, parce que il savait où il allait, il voulait le succès, tu vois, c'est ça qui est beau en même temps, mais il était dur. Donc, j'ai passé un été pas loin d'ici, rue Ganneron, enfin, des semaines avec lui, avec un ami, Michel Petot, qui était venu faire la guitare, et Michael, qui était le batteur des Innocents, okay, mais tu vois, mais qui n'avait pas du tout... Avant Les Innocents. C'est-à-dire avant que ça marche. Oh, oui. Il était là, il me disait, ouais, putain, ma... Genre, il est arrivé, il me disait, ouais, ma femme, elle me fait la gueule, là, parce que j'ai plutôt que de prendre du fric, j'ai pris un pourcentage sur le prochain disque et tout. Et genre, sa femme disait, t'es un loser et tout. Ouais. Je peux dire qu'après, elle était contente qu'il ait pris des pourcentages. Genre, c'était l'album qui allait faire un million ou un truc. L'album a fait un million? Un million ou un truc, ouais. J'ai la bande originale, ouais, du film. Ah non, je parle l'album des Innocents, tu vois. Okay. Ah oui. Okay. Tu vois, le batteur des Innocents, okay, me dit, ah, ma femme... Mais... Non, et donc, ouais, Cyril, il était... J'en ai chié, et en même temps, c'est vachement délicat parce que t'es en face de quelqu'un, tu sens qu'il met toute son énergie dans ce truc-là. Et j'ai connu ça au début quand tu produis des disques. Moi, j'ai jamais été, voilà, j'ai tendance à dire, c'est que, j'ai jamais été assez payé pour en avoir rien à foutre sur un disque. Donc tu mets de l'affect, mais tu mets de l'affect, non pas pour toi, mais pour que le projet soit bien. Et je pense qu'un producteur qui est très, genre le producteur anglais qui arrive en France, un peu colonialiste d'une certaine façon, c'est pas méchant, mais tu vois, qui a fait des trucs qui cartonnent, puis les mecs disent, ah, on voudrait absolument que vous fassiez la même recette et tout. Le mec, il va dire, ouais, génial, tes chansons, super. Il est là, à la console, tous les jours, il sait quel pognon qui rentre sur le compte. Et donc, il, bizarrement, il sera plus coulant. Et souvent, c'est assez rare, les artistes français qui bossent avec un producteur anglo-saxon, ça se passe toujours très bien. Ouais. C'est pas pourquoi, mais on sait pourquoi, en fait. Oh, c'est parce que oui. Le mec est bien payé. Ah, ouais, et il sait que si c'est pas très bien artistiquement, ça se saura pas chez lui. Okay. D'une certaine façon. Ah, c'est ouais, con, hein, ouais, mais, ouais. Mais c'est pas... Mais, je pense que le mec, c'est pas aussi. Conscient. Ouais. Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Il y en a qui ont été formidables. Je pense à Tony Visconti et Kaita Mitsuko. Ouais. Tu vois, mais aussi, Kaita Mitsuko, ils l'ont pris à un moment où il n'était pas au fait de sa carrière. C'est vrai. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, les mecs, il y a une motivation. Ouais, c'est extraordinaire. On va venir au Nufo. Ouais. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ce truc-là. J'ai jamais eu les droits d'arrangeur parce qu'entre-temps... Mais sur l'album, on te voit pas. Hein. T'es pas sur le... Quand tu regardes le disque, là, je l'ai à la maison, ton nom est pas là. Il est dans tous les crédits. Si, si. OK, dans les crédits, oui, mais en arrière, réalisé par... Ah, le film, ça, c'est réalisé non, non, par... Non. La bande originale. Est-ce que ton nom est là? Il me semble que je l'ai pas vu. Si, ah oui, pense, okay. Morceau ben, par morceau, tu regardes okay, morceau okay. par morceau. Okay. Si, si, je pense, okay. Je pense. Mais ceci dit, voilà, Cyril, il était à la fin, c'est le truc, j'étais pas très affirmé à l'époque, mmh. Et j'en ai chié. Voilà, okay. Et j'en ai chié, et c'était pas, voilà, et c'est terrible pas bon. Parce que c'est, je sais comment je l'aurais, humainement, je sais comment j'aurais géré quelqu'un comme Cyril Collard aujourd'hui. Et je pense que j'aurais été à... Il y a des choses que j'aurais moins laissé passer, mais j'étais plus fragile d'une ouais, certaine façon. Aussi, et donc, par exemple, je me souviens, on s'est, à la fin, je me souviens de voir le film fini, de voir les crédits, et de voir qu'il n'y avait aucun crédit des musiciens. Dites-moi, évidemment, mais des musiciens, et je lui dis quand même, tu vois, on a passé des semaines sur ce truc-là, on n'était pas bien payé et tout. Et il m'a dit, ouais... C'est ça, tu penses qu'à ça, quoi, c'est l'ego et tout ça. Et bah, non pas c'était travail, ça, hein. C'est que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin ouais. qu'on sache ouais. que j'ai ouais, fait ce truc-là ouais. aussi, tu vois, ouais. c'était pas par... Et par voilà, après, et en même temps, c'était terrible, parce que... Donc, c'est des cas assez classiques, sauf que le mec meurt après, et il meurt et il souffre. C'était une époque quand même terrible, où Sida, non seulement les mecs mouraient, mais mouraient vraiment de façon terrible. Donc, voilà, j'étais dans ce truc, c'était vraiment un dilemme. Et en même temps... Pour moi, c'était important vis-à-vis de lui, de l'aider. Et je pense que les chansons qu'il a faites, je pense que si elles n'ont pas trop mal vieilli, c'est parce que je me suis vraiment battu avec lui pour que la production et les arrangements ne soient pas trop lourdeaux. Tu vois. Et quand tu réécoutes, tu es encore fier de ce écoute, que... Écoute, j'ai écouté une fois par hasard à la radio, je suis tombé sur un titre. Et moi, en général, c'est l'avantage de se battre sur ces trucs-là. Il n'y a jamais eu un truc, j'abdique jamais. C'est-à-dire j'abdique pas au sens où j'ai jamais laissé passer un truc en disant bon bah c'est de la merde mais bon on verra comme ça. Donc après c'est très rare que j'entende un truc que j'ai plein de regrets, mais c'est plus souvent des regrets techniques. Mm-hmm. Tu vois, je me dis ah merde putain j'ai mis le. Mais sur le fond j'ai jamais fait un truc qui est pas sincère. Donc, ouais, après donc du coup ça implique. Mais il y a beaucoup de disques, surtout à cette période-là. Les disques que je faisais à l'époque, je luttais. Lesquels? Bah, je pense à Fleur de Métal de Jadio, par exemple. C'est un disque qui a été difficile à faire. Et maintenant, le groupe l'aime plus qu'à l'époque. Ok, ah oui. Alors ça a bien vieilli pour eux. Ouais, ouais, ils sont contents maintenant. Mais à l'époque, ah, Bertrand et tout ça. Mais c'est sûr, quand tu es précurseur, tu fais quelque chose peut-être d'avant-garde. Allez, au moment où tu le fais. Et moi, je l'aime moins maintenant parce qu'il y a des choses que j'aime. Il y avait des boucles, il y avait des trucs qui ont mal vieilli, mais j'avais pas le choix. J'étais seul en studio avec deux mecs. On n'avait pas plus de batteur ou un truc, il fallait se démerder. Et tu vois. Mais c'est vrai que la première fois finalement où j'étais vraiment heureux, où il y a eu une symbiose en studio, enfin non, c'est pas vrai, mais où tout d'un coup, pour moi le studio c'était un truc où je mettais une énergie de dingue, mais où je pouvais être malheureux, moi, pour que le truc soit. La première fois où j'étais vraiment, où les deux ont coïncidé, c'était le Sunshine de Louis-Philippe en 94. Okay. On était à Londres. Et avant, j'avais travaillé avec Dalcan, avec bon. Mais c'était des expériences qui étaient dures parce que parfois, voilà, je me battais pour l'artiste, pour obtenir des trucs, mais c'était souvent moi qui souffrais, quoi. Okay. Enfin, et souvent, tu sais, la difficulté, c'est pour ça que maintenant, je cherche de moins en moins à produire et les autres, parce que surtout quand les gens ne sont pas ultra confirmés, ils souffrent. Mm-hmm. Et comme ils souffrent, souvent ils considèrent qu'ils ont le droit de faire souffrir les autres. Et ouais, c'est difficile. Okay, oui. Et moi je considère que quand tu fais un disque sous ton nom, tu es le chef. Ouais. Donc tu es le capitaine du bateau, c'est toi qui dois quitter le navire en dernier. C'est toi. Et si tu souffres, les musiciens, les gens n'ont pas à en faire les frais. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de ces expériences-là. Avec Do. Ouais, c'est-à-dire que quand je fais mes disques et tout ça. Et t'es rentré à ton cinquième. Ouais, mais j'en ai fait après des disques. Mais attends, avec ton nom, le Burgala. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un son Burgala? Écoute. Avec le recul, probablement, mais c'est malgré moi, au sens où, en tout cas, il n'y a pas une recette. Non, ok. Mais c'est vrai que quand je prends un instrument, il va toujours sonner un peu de la même façon. Et je trouve que. Mais je ne cherche pas à le figer, tu vois, j'aimerais bien de temps en temps changer mes instruments, changer tout. Mais je ne sais pas, mais le son de basse. Sur scène, tu peux changer, ouais. Modifier des trucs. C'est là que la. Ah oui, sur scène. Moi, sur scène, je ne sais pas du tout de recréer les CD. Non, pas du tout. En plus, le genre de CD. Alors, les CD, les albums studio que je fais, c'est quand même des petits millefeuilles. Et ça n'a aucun sens. Si j'essayais de refaire ça sur scène, ça serait l'album au moins bien. Mmh. Et en plus, ça serait complètement au détriment de l'énergie. Mais donc, est-ce que tu travailles sur un concept aussi de DVD pour pouvoir apprécier les gens qui n'ont pas la chance de te voir sur scène? J'aimerais bien, mais j'aimerais bien qu'on filme. En fait, ça fait longtemps que je rêve qu'on fasse une espèce de. Je trouve qu'il y a tellement de gens autour du label qui ont fait des choses formidables. Et finalement, les seuls témoignages qu'on en a, c'est des trucs tournés avec un portable, tu vois. Ouais. J'étais désolé, l'autre jour, on a joué à Paris au Palais Royal, c'était assez, assez beau. Et on en a juin, aucun. C'est ça ouais. Et c'était beau, mais on n'a rien. On a un truc tourné depuis la scène, on a l'impression qu'on est en train de faire un soundcheck. Et on n'a rien depuis le public. Puis c'est une grosse maison de disques qui pouvait mettre un peu d'énergie, juste un petit peu plus de cacheton pour garder en mémoire les événements comme. Et nous, éphémère. Voilà, on essaye, mais voilà, on ne sait pas. Mais on aimerait bien faire ça même. Je pense à plein de gens qu'on aime, comme les Haïlamas et tout ça. Ouais. Et finalement, il y a assez peu de témoignages visuels. Et je me souviens de moments assez magiques de concerts des Haïlamas. Et finalement, ça n'a jamais été vraiment capté parce qu'on passe rarement, tu vois, à la télé au sens. Pourquoi parce que c'est normal. C'est normal. Je préfère voir Michel Sardou que voir Burgala. Ce pauvre Sardou, je l'ai beaucoup vu quand j'étais petit, mais ouais. Ça fait un moment, c'est pas celui qui nous emmène de plus non, à la télé enfant. Bon, exemple, mais, justement, on n'en voit pas ça. Non, mais tu vois, écoute, j'essaie de me dire que c'est normal, parce qu'autrement, on devient aigri et tout ça, tu vois. Mais ce qui est sûr, je vais te dire, voilà, j'ai 48 ans, je peux te dire, la seule fois où j'ai vraiment joué live dans une télé herdienne en France, c'était. C'était il y a 4 ans à One Shot Note, l'émission de Manu Katché, tu vois. C'est la seule fois. Est-ce que c'est Manu Katché qui t'a invité? Ouais, okay. Ouais. Et franchement, c'était une joie. Le mec était adorable et tout. Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment pu jouer à la télé. Et après, sur toute l'histoire du label, on a joué deux fois chez Michel Drucker. Une fois avec Michel Houellebecq et une fois on a accompagné Valérie Lemercier. Et t'es venu à Québec avec Houellebecq? Oui, j'y étais pas, moi. Ah! C'était pas moi. C'était les dragons, c'était. Ouais. Mais c'était Michael Garçon. Le projet musical, c'était ouais, toi. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, de Houellebecq à Jason de Nobotten, qu'est-ce qui s'est passé? C'était avant Nobotten. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'étais assez proche du label Mute et donc j'ai fait pas mal de choses pour eux en périphérie. Avec d'autres artistes de Mute? Ouais, de Mute. J'avais enregistré un live pour Climate the City Solution. J'avais fait des remixes pour Renegade Soundwave. J'avais bossé avec Mick Harvey, j'avais fait des arrangements pour Mick Harvey. Et donc je connaissais bien l'équipe Nick Cave. On se connaissait bien parce que. Tu travaillais avec Nick Cave and the Bastille? On est. Avec un peu en périphérie, avec okay. Donc avec Crime qui était des anciens. Avec Mick Harvey. Avec Nick, on avait fait un morceau pour un disque qui n'avait pas vu le jour, enfin qui n'avait pas vu le jour tel quel de trucs pour Polnareff et tout ça. Et j'avais dirigé, je me souviens que. quand ils avaient fait le duo avec Kylie Minogue, j'avais dirigé les cordes pour des trucs de télé, des trucs comme ça. Mais et donc, Blixa, je le connaissais. Okay. Et on tournait, enfin, tu vois, on se croisait et tout ça. Et puis un jour, ouais, il m'a appelé pour. Et je me souviens, ça devait être vers 97, je me souviens au printemps, ça devait être en mai à Paris, il faisait un temps mais splendide. Et je me barre, je prends le train pour aller dans le nord de la Belgique à la frontière allemande. J'amène des affaires pour 3 jours, mais tu vois, affaires d'été quoi. J'arrive, il y avait de la neige. Je me suis pelé pendant 3 jours, 4 jours là-bas. Et en fait, j'arrive, ça faisait des mois qu'ils étaient dans ce studio. Il y avait une ambiance, c'est normal, les studios à la campagne, c'est très dangereux parce que c'est une promiscuité. Quand tu es en studio dans une ville, bah, chacun le soir, t'en as marre, tu peux plus les voir, petite barre. Mais là, ils étaient là, et j'arrive, je comprenais pas, mais je sentais qu'il y avait un climat un peu pesant entre eux en allemand et tout, je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Mais donc, voilà, j'arrange, je sais plus, 3-4 morceaux et tout. Sur quel album ? C'était sur Ende 9. Et je me souviens d'un morceau que j'adorais, c'était La Maris, il y avait d'autres trucs, enfin, j'étais content du truc, je rentre à Paris, mais vraiment, je mets la clé sur la porte, et j'entends le téléphone qui sonne. Je me précipite, je joue, et j'entends la voix, bah Bertrand, it's Blixa, guess what, je dis non. C'était la première fois de ma vie que ça arrive, ils avaient effacé les cordes. Ils avaient MTV qui était venu, ils avaient 96 pistes, ils étaient un peu, c'était un truc bon. Et ils avaient effacé les cordes, genre sur 2 morceaux. Ah, putain, non. Et j'ai dit, il a fallu que je reparte là-bas. Quoi. Est-ce que c'était mieux la deuxième prise, non. La première prise non, ouais, la non prise. Mais c'était pas. Mais il y avait moins de cordes en plus, parce okay. que quand même, ils pouvaient pas. Mais ça allait, mais c'était énervant quand même. Mais ta rencontre avec Houellebecq, est-ce que c'est lui qui t'a accueilli ou si c'est. Non, c'était en. Fin 95 en fait. Il venait de sortir Extension du domaine de la lutte. Et c'était par des amis communs, les gens d'un groupe qui s'appelait Les Perpendiculaires. Et il montait ça un peu comme une revue, un peu d'avant-garde. Il m'avait dit, on voudrait que tu fasses des choses. Ils avaient fait un truc juste à côté d'ici, d'ailleurs, à l'Exotica, qui s'appelle maintenant Les Trois Baudets. Ah oui, ben oui. Et ils avaient fait une soirée, ils voulaient qu'on fasse un truc ensemble avec Houellebecq, qui n'était pas du tout connu, mais moi j'avais lu son bouquin. Oui, il venait de sortir Extension du domaine de la lutte. Oui. Et donc on se rencontre. Et on sympathise vraiment, mais on ne fait pas le truc ce soir-là, on se dégonfle, quoi. On était trop intimidés, on ne voyait pas trop comment on allait faire sa musique. Et donc on a avancé, mais ça a mis des années. Et entre-temps, il y a eu un succès phénoménal avec son bouquin suivant. Et donc on a fait ce... Mais le projet, ça faisait très très longtemps qu'on le faisait. Et donc on a fini par l'enregistrer. Et voilà, et après, en revanche, quand c'est sorti, ça a été difficile parce que... Mais c'est toujours pareil. Je pense que l'insuccès, ça peut être très dangereux pour quelqu'un parce que on peut se dire ah bah je passe pas à la télé, c'est parce que ce que je fais c'est tellement génial et tous ces cons ils non, veulent. Tu ouais, vois, tu peux te conforter. Ouais, tu peux te conforter. Le fait de pas passer en radio, de pas passer en télé ou de pas avoir tel média, tu peux te dire bah oui c'est parce que ce que je fais est tellement génial et tout. Ils sont dépassés par mon talent. Mais le succès aussi, ça peut être dangereux parce que les gens se. Et, j'ai des biscuits. Non, je vais prendre ça. C'est parce que je suis diabétique et j'ai trop d'insuline là. Ok. Et tu fais ça ? Ouais, ouais. Mais j'ai fait une analyse en arrivant et puis là, je vois que ça continue de descendre. Ok. Et donc, après, ça a été un peu compliqué, mais c'est des expériences marrantes. Je trouve que c'est génial. Putain, la musique. C'est. Ça, c'est un bon côté. Enfin, on peut faire tellement de choses. Je trouve qu'on n'est pas obligé de se cantonner toujours au même format pop rock, machin et tout ça quoi. Mais tu définis ta musique comme quoi, comme quel style, quel. Écoute, je sais pas. Moi, je trouve que par exemple, avant, les premiers albums que j'ai faits, ils étaient plus abstraits. Volontairement ou involontairement ? Ouais. Okay. Ouais. Et il y avait des plages un peu psychédéliques. Oui. Tu parles de SSS. Comment tu l'appelles? SOM. Moi, j'appelle SOM. Mais pourquoi autant de S? Parce qu'à cette époque-là, tu étais bègue et tu t'es. Non. OK. C'est parce que c'est un ami qui m'a dit. C'est un ami écrivain, Yves Adrien, il m'a dit album doit s'appeler The Sound of Music. Il doit y avoir 3 S et 3 M comme un truc qui passe dans le ciel. Oui, okay, The Sound of Music. Ah oui, c'est vrai. Mais on l'a peut-être pas assez traduit graphiquement, ce truc-là. Mais le disque a très bien vieilli. Je l'écoutais avant de partir pour venir ici. C'est merveilleux. C'est, Ben, ça me fait plaisir. Mais, mais trouves-tu, quand tu le réécoutes, que ça reste actuel, que tes trucs n'ont pas trop... J'espère. J'ai fait pour ça. OK. Mais toi, personnellement? Oui. Oui? Quand je réécoute, je ne réécoute pas en entier parce que... Mais... Je les ai tellement écoutés en les faisant, connais par cœur. Non, mais il n'y a pas une milliseconde d'un disque comme The Sound of Music dont je ne me souvienne pas avec beaucoup de précision. Et puis surtout, tu reconnais les petits défauts que tu regrettes aujourd'hui. Pas tant que ça. Okay. Parce que tu vois, non, mais il y a des trucs, je vais te dire pourquoi, par exemple, The Sound of Music, ce qui m'énerve le plus là-dessus, c'est qu'à l'époque, j'avais sorti en licence, c'est pas moi qui le commercialisais. Et c'était très retardé. C'était un disque qui était quasi prêt vers 96, qui est sorti 4 ans plus tard. Et entre temps, vers 97, 98, 99, j'avais fait des morceaux qu'ils n'ont pas voulu mettre à l'époque. Il y a en particulier deux, un en italien qui s'appelle Scordare, et l'autre qui était une reprise de Maria Carré, Vision of Love. Et je pense que ces deux morceaux, et à l'époque, ça me rendait dingue qu'ils ne veuillent pas les mettre. Je pense que c'était plus en avance et c'est ceux qui ont mieux vieilli. Ouais, c'est... Donc il y a une frustration en même temps. C'est bizarre que tu me dises ça, ça me fait penser à Sonic Youth qui a repris une chanson de Madonna. Donc aujourd'hui, ça reste très très actuel. Puis une chanson de Robert Palmer aussi. Addition to Love, c'est vraiment tout à fait... Ah, mais j'adore cette chanson de Palmer. Ah oui, mais surtout revisité par ses grands Sonic Youth. Est-ce que tu peux me raconter un peu, parce que je le réécoute, il est sur ma tablette, OK, robot. Portrait robot. Portrait robot, je l'écoute et je trouve que c'est ton album le plus obscur. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'as... parce que tu... C'est pas volontaire. OK. Écoute, Portrait robot, je suis allé l'enregistrer, les rythmiques et tout ça, je suis allé à Berlin parce que j'avais mon copain là-bas, Larry Mullins. C'était le batteur d'Iggy pendant 10 ans, qui ensuite a joué avec les Residents. Et il s'était établi à Berlin. Mais il y a un super studio. Il y a Peter Van Poel, qui avait été mon assistant chez Tricatel, qui était parti là-bas aussi. Qui est à la maison de disques. Tricatel est à la maison de disques. Donc ils étaient là-bas. Et Larry m'avait dit, j'ai un super ingénieur, Ingo Kraus, qui avait été l'assistant de Connie Plank. Tu vois. Et en fait, Ingo, il avait mis la main, enfin, il avait une combine avec un studio, qui était l'ancien studio de la radio de la RDA, quoi, les anciens studios de la radio est-allemande, qui était quasi à l'abandon. Okay. Donc, on était là, il était avec quelques préamplis et un Mac portable, et on enregistrait dans ces studios, mais immenses. Et là, c'était le studio 2, le studio jazz, mais qui était déjà comme un gymnase, quoi, plus qu'un gymnase, enfin énorme. Et c'était un lieu assez incroyable quand même, complètement désert. Il y avait une salle d'écoute à côté où en fait tous les bureaux étaient écoutés. Enfin, c'était vraiment comme le film La vie des autres, quoi. Et donc on a enregistré là les rythmiques, les instruments. Et après, à l'époque, j'ai tout terminé chez moi. J'avais pas de studio. Enfin, c'était voilà, j'ai mixé sur une table maquille et tout ça. C'était fait un peu comme ça. Et non, qu'est-ce qu'il y a, les morceaux Et on sent un peu le côté festif hein, sur cet album-là. Non, le côté a cappella, sans trop de travail sur la matière. Il n'y a pas beaucoup de... À mon avis, quand j'écoute, il n'y a pas beaucoup de studio où on sent la vérité sur le chant, sur le... Il y a ça, mais quand même, c'est un disque... À chaque fois, tous mes disques, quand même, il y a énormément de boulot. Mais ça dépend sur quoi. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des trucs où le travail, il est sur les couleurs plus que sur, l'énergie. Peut-être que Sound of Music, c'est un disque... Je me souviens à l'époque... J'avais vu une critique dans Libé où le mec disait Oui, c'est un disque à Némier. Ben, c'était pas faux sur The Sound of Music. Okay. Le mec trouvait que ça manquait d'énergie, mais c'était pas faux. Okay. Parce que j'étais un peu anémié physiquement. Et c'était voulu? Donc, non, c'était que je pense que j'étais fatigué physiquement. Okay, donc peut-être que le disque, et moi The Sound of Music, je l'adore, mais peut-être c'est un disque. Plus ça va, j'ai l'impression que plus mes disques ont d'énergie et sont incarnés. Mais c'est parce que moi-même je le suis. Okay, c'est la santé qui ouais, suit la musique. Je pense que ça suit. Et donc, je pense que. Il y a des disques, j'ai l'impression d'exprimer les choses de façon plus directe maintenant, mais parce que peut-être que je suis plus je suis plus incarné, et avant j'étais peut-être plus fantomatique parce que j'essayais un peu de survivre de comme ça au gré des déboires, des trucs, des déboires financiers, des déboires physiques. Et donc, quand tu vas un peu mieux, ben, je pense que ça se ressent. Et par exemple, le dernier album, je pense qu'il est plus énergique, mais parce que c'est instinctif, c'est comme ça. Je ne me suis pas dit, je vais faire un disque énergique. Non. Et c'est ça qui est marrant. Mais c'est marrant quand ça se ressent. Ok, oui. Est-ce que tu veux nous en parler de ton nouvel album qui s'appelle Bébé ? Il s'est de toute direction, celui-là. Parce que Chéri Bébé, c'est celui d'il y a 5 ans déjà. Il y en a eu un autre depuis. Ah, c'est bien que tu n'aies pas écouté encore le nouveau. Ah non, j'ai pas encore écouté. C'est bien. Ok. Très bien. Alors, il faut qu'on te l'envoie. Non, mais je vais l'acheter. Ah ouais. Je vais l'acheter ici à côté. Écoute, ah oui, parce que Chéri Bébé, je l'ai fait il y a 5 ans. Ok. Alors, je peux te parler déjà de Chéri Bébé. Écoute, déjà, j'avais l'impression que c'était plus incarné. Ok. Il est sorti quand ton nouvel album ? Il est sorti il y a 2 mois. Ok. Et en fait, je pense. Alors, on dit toujours ça. Mmh. Mais je crois que moi, j'ai jamais dit. Je suis super heureux parce que justement. J'ai l'impression d'avoir vraiment progressé. Okay. Et sans renier du tout ce que j'ai pu faire avant, ouais. Mais approfondi. Et pour moi, ce qui était important, et la progression, si tu veux, de Sound of Music, Portrait Robot, Chéri Bébé, et là, Toute Direction, c'est qu'à chaque fois, justement, sur cet album-là, j'essaye d'être plus direct, peut-être, dans ce que je veux exprimer. Et ça passe beaucoup par les paroles. Okay. Et c'est qui a écrit tes paroles ? Alors, il y a 15 morceaux. Donc 14 chansons, dont 13 en français. Et il y a des paroliers, des auteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, comme Mathias de Bureau, Elisabeth Barrier. Elisabeth, c'est une romancière. Oui, je connais. Et Mathias, il a fait des livres très marrants. Et c'est un type qui a vraiment beaucoup d'esprit. Mais il y a aussi Laurent Chalumeau qui a fait un texte. Il y a Barbara Carlotti qui a fait un texte. Il y a Hélène Pince, qui est une fille que je connais depuis très longtemps et qui est une auteure excellente. Et elle a fait des super trucs. Il y a Alfreda Bench qui a fait un texte. Il y a sept auteurs différents. Et en même temps, c'est mon disque, je pense. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des auteurs. Okay. Parce que je trouve que, d'abord, quand on a la chance de connaître des gens qui écrivent bien, c'est bien. Parce que souvent, les gens me disent « Pourquoi t'écris pas ?» Mais parce qu'ils écrivent mieux que moi. Et je trouve qu'ils sont plus lucides même sur moi-même. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y a des gens, ils arrivent à écrire pour eux. Et je trouve ça génial. Mais moi, j'arrive pas à écrire pour moi. Et en plus, quand j'écris pour moi, j'ai peur d'emmerder les gens. Alors que quand c'est écrit par d'autres, j'ai l'impression que c'est plus universel. Parce que je trouve que c'est ça qui est difficile. Les paroles, on ne peut pas chanter des choses qu'on ne ressent pas. Mm-hmm. Et en même temps, moi, j'ai pas envie de raconter. Je trouve que c'est pas parce que c'est moi qui l'ai vécu un truc que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse notre vécu. Ouais. Et les paroles, moi, je cite toujours, je me dis « Ne me quitte pas » de Brel. On ne sait pas s'il a été quitté. C'est lui qui a quitté la nana. Il espère. C'est ça, mais en tout cas, ouais. On sent une sincérité dans le truc. Ouais. Et c'est ça qui est. C'est ça qui est. Je trouve dans une chanson. Je trouve que. Voilà, il faut que ça soit universel. Et sur cet album-là, c'est vraiment le plus complet. C'est celui qui te. Ouais, je trouve que ça complète, tu vois, de Sound of Music. Moi, chaque fois que je fais un disque, je me dis. Voilà. Souvent, quand je commence un disque, c'est un moment un peu de désespoir où je me dis, j'y arrive pas. Je veux dire, j'arrive pas à m'en sortir. J'en ai marre de me battre pour tout ça. Parce que ce qui est dur, c'est pas de faire de la musique, c'est de se battre après pour qu'elle existe. La promo. Mais la promo, c'est une joie, ça. Okay. Je trouve, tu vois, les mecs qui se plaignent de faire de la promo, c'est des enfants gâtés. Okay. Quand même, d'avoir des gens comme toi qui s'intéressent à ce qu'on fait. putain, mais c'est un privilège. Il y a tellement de mecs qui font de la musique, tellement de gens intéressants qui font ça dans l'indifférence et tout ça. Je trouve qu'on a un devoir. Je trouve ça, c'est génial. Non, ce qui est dur, c'est de se battre pour convaincre un peu les institutions. Tu vois, je sais pas, les programmateurs de festivals, les radios, c'est dur. Non, mais toi, t'as un tourneur, non? Un tourneur, tu as un tourneur? Maintenant, on en a, mais là, par exemple, on joue dans aucun festival cet été. Pourquoi? C'est volontaire? Non, mais parce que les mecs, ils pensaient pas à nous, tu vois. Alors qu'on a la patate actuellement, c'est con. Ben oui. Alors ils me disent, ah, l'an prochain, ouais, mais putain, c'est terminé. T'imagines, c'est dans un an, tu vois, j'espère que je ferai autre chose, tu vois. Mais voilà, il y a une inertie, c'est normal. Il y a une inertie quand tu fais des choses et c'est dur. C'est-à-dire que tu sors un disque et là, la sortie s'est super bien passée. Mais il faut plus d'énergie pour sortir un disque que pour le faire. Enfin, il en faut pour le faire. Ouais. Un disque comme ça, il en faut parce qu'en plus, je suis le seul étant mon propre commanditaire, tu vois. C'est difficile de se dire, putain, il va falloir encore sortir du blé parce que... Ça coûte cher. Ça coûte cher de faire un disque, mais ça rapporte peu. Oui. Mais comment tu peux faire pour te focaliser quand tu travailles partout? À un moment donné, tu te dis, je vais faire mon album. Ouais, mais d'abord, je suis pas si sollicité que ça. Je fais des boulots, tu vois, produire les disques des autres, on me le demande de très peu. Et franchement, j'aimerais bien travailler avec Bowie, mais tu vois, avec des mecs avec qui tu apprends des choses, des vieux de la vieille ou des gens très jeunes. Mais je trouve que la production en elle-même, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Parce que la plupart des gens, ils sont tout à fait capables de produire. Et moi, je peux pas apporter. Je trouve que souvent les gens, ils viennent me voir, ils me disent, on voudrait que tu nous fasses un truc, justement, comme tu sais faire et ça. Et tu leur fais, ils disent, ah ben ouais, mais c'est trop. C'est trop original, ouais. Ouais, mais en même temps, si après, ça leur fait peur. T'es trop d'avant-garde. Je sais pas, mais en tout cas, la production, c'est quand même, c'est passé autant de temps pour ton disque et. Ça m'intéresserait, non mais moi j'adorerais des trucs que j'ai jamais fait, des trucs super mainstream. Moi j'aurais adoré bosser avec Johnny, okay, parce que c'est difficile. C'est difficile parce que justement... Mais t'es pas du tout dans le son de Johnny. Hein? T'es pas du tout dans le son de Johnny Hallyday, t'es pas dans... Mais tu vois, ça m'intéresserait parce que justement c'est des trucs... Est-ce que tu crois qu'il pourrait se plier à ta vision de la musique? Je crois pas. Je sais pas, justement c'est ça, c'est cette confrontation qui est difficile. C'est un défi, c'est-à-dire, je trouve que Johnny, et là je sais qu'il bosse avec des gens intéressants, il y a Roll Poupeau, c'est des gens qui vont lui faire du rock bien foutu et tout ça, mais pour moi, faire un grand disque de Johnny, c'est difficile, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Hein. Ouais, bon, ça. Ouais, tu vois, ouais. Et un truc qui ne déroute pas non plus le public, c'est toutes ces données-là qui sont intéressantes. Okay, ouais. C'est de comprendre le personnage et ne pas trop ébranler le public qui s'attend. Non, en même temps... Faire quelque chose de beau, de propre. Ouais. Et je trouve que c'est des... Et moi, j'adorerais travailler avec des gens un peu, je dirais, grand public. Je dis pas ça pour le pognon. J'ai travaillé avec Christophe Willem. C'est ça que j'allais dire. Ouais. C'était intéressant pour moi parce que c'était la première fois que j'avais accès un peu à un truc grand public comme ça. Et j'ai fait exactement, enfin, parce que je ne sais pas faire autrement, mais la production, c'était exactement ce que j'aurais fait pour moi. Okay. Et là, on se retrouve, c'était pas grâce à moi. Hein. Les chansons qui ont vendu, qui ont tiré le disque en radio, c'était les chansons de Zazie. Hein. Ah. Donc, c'est pas... Mais j'ai pas porté malheur au disque non plus. Oui, il s'est vendu quand même. Donc tout d'un coup, tu passes de faire les disques qui sont parmi ceux qui se vendent le plus mal de l'industrie musicale à faire le disque qui se vend le mieux cette année-là. C'est marrant. C'est un pied de nez rigolo. Mais je trouve que... Et quand j'ai travaillé avec lui, quand j'ai travaillé avec Marc Lavoine, ça m'a vraiment... En 2000... il y a 3 ans, je pense. Un tout petit peu sur la boîte. Voilà. Merci. Il y a 3... Elle doit pouvoir passer. Voilà, impeccable. Merci. Ouais, il y a 3-4 ans. C'est un mec qui s'est super bien comporté, c'était vraiment un plaisir. Mais j'ai adoré connaître par procuration le grand public. Okay. Et ça m'a plu. Okay. Ça m'a plu parce qu'il y a justement une spontanéité, une façon d'appréhender la musique de façon instinctive, sans penser, sans snobisme, sans se dire « Ah ça, c'est bien d'écouter ça ». Et comme je suis comme ça, moi ça me plaît. Et je sais pas comment, le grand public, j'ai pas les armes. En France, le grand public, faut aller, c'est un autre monde. Mm-hmm. C'est les gens qui font de la fausse charité pour les Restos du Cœur. Il faut faire ces trucs-là pour se faire bien voir. C'est tout un monde. Pour se valoriser. Mais le public, après, moi je trouve, c'est con, mais je trouve ça c'est vachement motivant. Mais moi, ce public-là, j'ai pas du tout accès. j'ai une image à la con de bobo élitiste. Et ah oui, tu crois ? Oui, je pense. Parce que, en tout cas, mais ce public-là, je le trouve intéressant. Et moi, j'aimerais bien travailler avec des gens comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire chanter une actrice ? Est-ce que c'est elle qui voulait chanter, Valérie Lemercier ? Non, pas du tout. C'est, on ne voulait pas. En fait, c'est marrant. C'est marrant que tu parles de ça et de Des Nuits Fauves, parce qu'en fait, il y a le même déclencheur qui est cet ami Robin Leproux. Ok, ah oh, oui. Et qui était le fils d'Henri Leproux, oui. Le mec qui tenait le Golf Drouot, tu vois. Mm-hmm. Et ensuite, qui a été patron d'RTL et du PSG, trucs comme ça. Et Robin, donc, après Polygram, mm-hmm. tu vois, il était chez M6 et c'est lui qui avait créé la filiale M6 Interaction, qui était un truc diabolique où, en fait, il a pris ce truc. Il a créé une activité qui n'existait pas pour une chaîne de télé. C'est un mec d'école de commerce. Oh, c'est un mec, c'est pas un poète. C'est un mec très correct, super sérieux, enfin, avec des gens avec qui il travaille. Mais il est arrivé chez M6, il a créé un truc donc pour tout ce qui n'était pas la télé elle-même. Et c'est avec ça qu'ils ont fait des coproductions sur des disques, des trucs. Et tout d'un coup, il a fait un chiffre d'affaires énorme. Et donc, il me dit, voilà, ils avaient un feuilleton à la noix qui s'appelait Classe Mannequin. Et il y avait une starlette qui s'appelait Vanessa Demouy qui continue à faire des trucs, qui est très sympathique. Et c'était pas du tout mon univers, tu vois. Il me dit, bah, j'aimerais bien que tu fasses des chansons pour elle. Ok. Et je vivais avec Valérie à ce moment-là. Ok. Et donc, on lui écrit des chansons. On fait des maquettes chez Mir West d'ailleurs, qui avait un petit studio dans le même, au même endroit, Studio Plus, que je voyais justement Yann Péchin dont tu parlais. Ah oui. Et donc il avait un petit studio de maquettes, ouais. Mir West, il ramait à l'époque le pauvre, donc il était content de nous louer son studio, il avait deux Adat, Alésis et tout ça. Il avait un truc au grenier là, de Studio Plus, et donc on lui loue le truc pour faire des maquettes avec Vanessa Demouy et tout. On commence à enregistrer et tout, mais elle, au moment de faire les voix, on sentait qu'en fait, on était à côté de ce qu'elle espérait. Elle voulait un truc très classique à la Ophélie Winter qui cartonnait à l'époque et tout. Et les paroles et tout ça, qui étaient marrantes, mais qui étaient faites pour elle. Et donc, le pro était super élégant, il nous a dit, écoutez, vous pouvez garder ce que vous avez fait. Donc, on a gardé les instrumentaux, sauf que ce qu'on avait déjà commencé à enregistrer, sauf que c'était déjà dans les tonalités qui étaient celles de Vanessa Demouy, tu vois. Et Valérie, qui avait fait les voix témoins pour elle, pour lui montrer où les chanter ses paroles, elle a embrayé, mais bizarrement, quand il a fallu faire les voix définitives, c'était moins fluide, parce que tout d'un coup, elle s'est dit, je suis pas chanteuse. Quand c'était en déconnant, alors qu'elle chante super bien, et je trouve qu'elle a été géniale, parce que, mais c'était le premier disque qu'on sortait sur le label comme ça. Mais c'est rigolo, là. C'est un album qui à l'origine devait être beaucoup de travail, à la fin c'est devenu festif, au lieu de jeter les bandes, on va... Ouais, mais en même temps il y avait des textes. Je trouve qu'on a fait une erreur à l'époque, c'est toujours pareil, en licence, on était un peu expérimenté, on nous a dit... On n'a pas eu le choix vraiment sur la pochette, que je trouvais trop kitsch. Okay. Et nous, on voulait faire une photo normale dans un bus, dans un truc normal. Bon. Et après, même le choix du premier single, je trouvais que c'était une connerie, moi, parce que ça mettait dans une piste un peu déconnante, Goûte mes frites, alors que le texte est marrant. Alors que dans le reste de l'album, il y avait des chansons assez mélancoliques, elle avait fait des super trucs, Valérie. Et voilà, mais finalement c'est pareil, c'est un album qui a plutôt bien vieilli, mais ça s'est fait voilà par accident. Alors toi, ta vie est liée à beaucoup d'accidents, beaucoup de rencontres. Comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais après, je trouve que tu sais, en studio, c'est vrai qu'en studio, moi je suis à la fois très précis et en même temps, je sais pas. Je prends souvent des choses comme des signes, c'est-à-dire si on me dit tel jour, je sais pas si tu dis... C'est marrant, j'y pensais l'autre jour parce qu'on avait fait un clip là, pour un morceau que j'ai fait. Sur le nouvel album ? Ouais, et il y avait des mecs qui faisaient le clip qui sont très jeunes, qui sont très bien, mais ils me disent « Ouais, là, la fille qui doit venir... elle peut pas à telle heure, alors ça nous change notre truc par rapport à notre scénario. » Et je disais, mais arrêtez les conneries, c'est justement changer le scénario, c'est marrant. Mais moi, si on me dit Demain, le mec qui joue du hautbois ne peut pas venir. Mais je me dis, ben, c'est un signe qu'il ne faut pas de hautbois. Okay. Donc, on va jouer autre chose. Mais à chaque fois, c'était le côté accidentel comme ça. Je me dis, c'est une façon de rebattre les cartes, quoi. Donc, en studio, je ne sais pas, ça m'est arrivé parfois de... Je sais pas, admettons, je fais un mix et je sais pas, je l'efface par mégarde ou un truc, ça va m'énerver à mort, mais je vais me dire, c'est un signe qu'il fallait que je le refasse. Okay. Tu vois, c'est comme ça que je me le dis. Je me dis, bon, il y a des petits accidents, alors il y a des mecs comme Ino, ils ont théorisé ça avec sa théorie, il a ses cartes et tout, mais t'as même pas besoin de jeu de cartes, c'est des circonstances. Et en même temps, parce que je pense que parfois, pour moi, le plus difficile, c'est d'enlever dans le travail, mais c'est dans tout travail artistique, il faut arriver à enlever un peu la part de surmoi, tout ce qu'on s'empêche de faire. Et tout mon travail au fur et à mesure des albums, c'est de m'approcher. Moi, pour moi, mes disques, ils existent déjà. Okay. Je pars du principe qu'ils existent. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont dans mon... Il y a des choses que je voudrais exprimer, mais il faut que j'arrive à enlever toutes les couches d'inhibition et de choses qu'on peut avoir pour arriver à les exprimer, les choses. Tu bloques dans le fond, tu veux enlever tout ça pour te libérer. Ouais. Puis arriver. C'est pour ça que parfois ça m'est arrivé même de... je sais pas, par exemple, je me suis rendu compte que quand j'improvise au piano, le mieux pour moi pour improviser, sauf que c'est impossible à enregistrer, c'est d'improviser en regardant la télé. Parce que je pense pas à ce que je suis en train de faire. Je me dis pas, je suis en train de faire un mi mineur. Okay. Et là, je suis là. Et donc, tu as une liberté quand tu improvises sans penser à ce que tu fais. Et donc, ça, c'est assez chouette, quoi. J'aime bien ça. Et pendant tous tes 5 albums, tes 4 albums, tu avais une visée, une vision où tu voulais t'amener, où tu voulais proposer. Est-ce que tu as un parcours volontaire ou si au contraire les albums n'ont aucun lien entre eux? Si, ils ont un lien, ils ont une continuité, c'est sûr. Parce que je pense que, comme je recherche toujours un peu la même chose, j'essaie d'exprimer la même chose de façon différente. Le truc, c'est une fois que certaines choses sont faites, je veux pas les refaire. Donc, pour moi, The Sound of Music, c'est un disque de mélancolie très solaire. Okay. C'est un disque à la fois très estival et très triste en même temps. Okay. C'est le soleil, mais dans tout ce qui peut avoir un peu mortifère. Le suivant, après, ils se répondent d'une certaine façon. Okay. Mais, donc, je sais pas, l'album, après celui que j'ai fait là, j'ai pas envie d'en faire un tout de suite parce que je veux avoir suffisamment de distance justement pour. Et c'est ça qui est bien, c'est que les disques que je fais, même quand ils sont bien accueillis comme celui que je viens de faire, ils n'ont pas suffisamment de succès pour que je sois prisonnier d'une recette. C'est-à-dire que je ne suis pas là, le suivant, je ne vais pas me dire, bon, comment je peux faire pour retrouver la magie du précédent. Et ça, en général, quand on a du succès, même quand on ne veut pas, inconsciemment, on est prisonnier de la recette. Oui. On se dit, il faut que ça marche. Mais surtout que pour cet album-là, ce que tu veux, c'est de le montrer sur scène avant d'enchaîner sur autre chose. Mais en fait, je voulais pas. Enfin, j'avais pas. Il y a 4 ans, j'avais dit que je ferais plus de concerts. Okay. Parce que moi, j'adore jouer, mais il y a un moment, tu vois, j'ai une fille de 2 ans. J'ai jamais gagné d'argent avec les concerts. Dans le meilleur des cas, une fois qu'on a tout payé, on gagne tous. Chaque musicien et moi, on gagne en moyenne 80 euros net. Tu vois, c'est pas beaucoup quand même. Pour les kilomètres que tu fais et tout ça. Donc il y a un moment où tu te dis, bon bah les gars, moi je veux bien jouer, mais. Donc là pour l'album, on s'est dit, bon bah, s'il y a des sollicitations sympathiques, on le fait. Donc on nous a demandé de venir jouer. Au Nuit Botanique à Bruxelles, bon, c'était chouette, et puis j'adore les gens du Botanique. Après, on m'a demandé de faire un truc au Trabendo, c'est bien passé. Tu peux faire un peu d'argent, as-tu pu récolter un peu plus de blé ou... Ben, on va essayer, okay. On va essayer à la rentrée. Mais voilà, on est sur scène, on est des outsiders quand même. Okay. Et donc il y a un moment, et ça m'énerve aussi pour les musiciens qui jouent, parce que c'est des musiciens extraordinaires, et je trouve que ça m'énerve. Que si tu veux, à la fin, quand tu comptes le nombre d'heures, on est très très en dessous du SMIC quand même. Ah ouais. Et je compte même pas les répétitions, tu vois. Ouais. Donc quand j'entends les gens dire, ouais, maintenant c'est la scène qui marche, ouais, pour certains. Mais je pense que la réalité de la musique aujourd'hui, c'est que même la scène, c'est quand même très compliqué. Et en revanche, franchement, on y a pensé à faire une formule baptême. Bar mitzvah, mariage, anniversaire. Parce que là, les gens, ils sont. Bah, Là, les gens, ils sont prêts à payer du fric. Ok. Tu te maries ou un truc, bah, on dit bah, c'est 3000 euros. Les gens, ils les filent, tu vois. Je pense que les mecs. Je dis ça parce que l'été dernier, dans les Pyrénées, j'étais. Quand j'avais 14-15 ans, je jouais. En vacances avec des musiciens de jazz là-bas. Et un des musiciens, le guitariste, il a racheté la boîte de nuit où on jouait. Okay. Ah ouais. Mais il l'ouvre que pour faire des concerts de jazz quand ça lui plaît. Et il me dit, viens telle date, il y a Philippe Léoger, c'est une pointure, c'est un pianiste de jazz de Toulouse, on va faire un bœuf et tout. Bon, enfin, non, viens jouer. Mais je pensais qu'on allait faire un bœuf, moi. Et j'arrive le samedi et tout. Et en fait, non. On était payé, c'était les 60 ans de notaire de Toulouse. Okay. Et donc moi j'étais à la basse, à jouer Fidi Panema, Cyndi Lauper et tout. C'était super marrant pour moi, j'ai joué des trucs comme ça, y compris plein de morceaux que je connaissais pas et tout, d'oreilles. J'ai gagné 150 euros en 2 heures. Je me dis putain, mais ça c'est plus facile de jouer pour l'anniversaire d'un notaire que de faire un concert. Ah, c'est très ingrat. C'est très ingrat. Donc voilà, mais là j'ai du plaisir à jouer. Et on va venir à jouer à Montréal. Okay. On vient le 20 ou le 21 septembre à Pop Montréal. Puis à Québec, non? Je crois qu'ils essayent de coller une date à Québec aussi. Okay. Ah, alors à suivre de près au mois de septembre, c'est ça? Ouais. Ok. Super content. Parce que moi j'ai joué une fois, mais avec April March, on jouait avec R. Oui. Et je jouais en plus, je faisais 2 sets. C'était la première tournée de R. Et que leur bassiste, la copine, avait eu un accident, donc j'avais remplacé le bassiste de R aussi au Plié-le-Vray. Et je me souviens d'une salle, c'était une grande salle qui s'appelait le Spectrum. Oui, qui existe encore. Ah, une oui. belle salle de spectacle. Oui, c'était bien. Ouais. Hey, j'ai 10 questions de la fin, ok? Tu réponds comme tu veux, okay. Comme tu l'entends. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Qu'est-ce que je pourrais être comme liquide? Oh putain. Un liquide. Tu veux que je te dise vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit? Oui. C'est triste, mais je dirais de l'insuline. Ok, pourquoi? T'en as besoin? Ah oui? À c'est cause parce de ton que je suis diabétique. Oui. Le premier liquide auquel je pense, c'est con, mais si je dois répondre franchement, c'est de l'insuline. Mais est-ce que tu es diabétique depuis l'enfance? Ouais, depuis l'âge de 11 ans. Ok. Et c'est pas facile? Je trouve ça chiant. Ouais. Avant, j'en parlais pas. Parce que je trouve que, enfin, par pudeur, il ne faut pas étaler ces trucs. Mais maintenant, j'ai tendance à en parler parce que je pense que c'est une maladie qui est très, très mal appréhendée. On confond le diabète un peu léger, genre la tante qui mange un peu trop de chocolat en fin de repas, et le diabète, disons, grave, où il y a beaucoup moins de gens qui sont touchés, mais où les jeunes et tout ça, pour lesquels c'est une vraie souffrance, et qui est complètement masquée parce qu'il y a de tels enjeux. C'est une maladie qui coûte une fortune à la collectivité et donc qui en rapporte beaucoup aussi au laboratoire et tout ça. Aux entreprises pharmaceutiques. Si je pouvais, mon rêve, c'est de faire une espèce d'act up diabétique. L'an dernier, j'ai fait une tribune dans Libération où j'ai dit des choses extrêmement graves, mais vrai, j'avais tout été impeccable et tout, j'avais tout fait. La recherche avait été faite. J'ai dit tout. Enfin, ça fait 37 ans que je la préparais, ma tribune, quoi. Okay. Et donc ça a fait une page d'Alibé. J'ai eu 12 réactions. Donc je me suis dit, et je pensais même qu'il y aurait des démentis, parce que ce que je disais était, mais c'était des accusations gravissimes. Les labos sont bien gardés de répondre, parce qu'ils sont trop malins. Mais je pensais qu'il y aurait une prise de conscience, et je me dis, ça m'a un peu découragé, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire dans le monde entier, parce que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le diabète? Le problème, c'est que, si tu veux, c'est une maladie où... Et je pense qu'il s'est passé la même chose en France avec le sang contaminé et tout ça. C'est que ce qui est dramatique, c'est qu'on nous fait croire que les intérêts de tout le monde convergent. C'est-à-dire que l'intérêt des malades est le même que celui de l'État, ce qui n'est pas le cas, et celui des médecins et des laboratoires. Et donc, par exemple, la recherche est menée par les laboratoires, et c'est pas du tout de leur faute, mais eux, ils vont orienter la recherche dans certains domaines et pas dans d'autres, parce que c'est pas leur intérêt. Et malheureusement, il y a peu de contre-pouvoir là-dessus. Et si tu veux, par exemple, l'insuline que j'utilise, il semble qu'elle soit cancérigène, mais sauf que c'est la seule qui est homologuée en France, parce qu'il faut protéger, c'est fait par un laboratoire français, Sanofi. Tu vois, c'est des choses comme ça, Et moi, j'en veux à personne, mais je trouve que on doit avoir, voilà, il doit y avoir un contre-pouvoir. Et je pense que, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas un truc manifestement, tant qu'il n'y aura pas des morts manifestes et tout ça, personne ne s'en rendra compte parce que les malades, les associations de malades sont dirigées par des médecins. En réalité, elles sont sponsorisées toute la pub dans leurs trucs, par les labos magouille, et tout ça. Une méga magouille. Voilà, il faut pas être, je ne suis pas du tout conspirationniste dans ce truc-là. Parce que, et en plus, je ne suis pas dans le truc, les labos manipulent tout. Mais simplement, l'État doit être à sa place, des entreprises à l'autre, les patients dans un autre. Chacun doit... Avoir son créneau. Voilà, et chacun doit défendre ses intérêts, mais d'une façon... on doit avoir conscience que l'intérêt des malades n'est pas forcément celui des laboratoires, et surtout, etc. Que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas boire de vin, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Non, je l'ai fait beaucoup. J'ai été très excessif parce que je me disais, c'est cuit de toute façon. Okay. Et maintenant... Ah, tu ne faisais pas attention. J'ai eu des comas et tout. Okay. En studio, c'était terrible. Okay. Je buvais comme un trou, je fumais. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire attention. Ça m'a sauvé. Autrement... tu tombais dans le coma diabétique comme... Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Mais donc voilà, le premier liquide qui me vient à l'esprit, c'est diabétique. Il y a d'autres diabétiques dans la musique. Hein. Il y a de temps en temps, on s'échange des tuyaux, de temps en temps avec Dave Gregory, l'ancien guitariste d'XTC. Ouais. Il est diabétique aussi. Ah ouais. Alors entre vous, vous comprenez. Ouais. Si vous étiez une ville. Une ville. Si j'étais une ville. Une ville. Je sais pas, je dirais une... Je sais pas moi, une ville où je suis pas allé, je citerais une ville où je suis pas allé. Oui, oui. Parce que comme ça, tu pourrais être déçu aussi. Là. Ah ouais, mais justement, Détroit. Détroit, ouais, c'est assez précis. Hein? C'est assez précis, Détroit. Ouais. Pourquoi Détroit? Eh ben, je dirais, je sais pas, une ville qui a l'air un peu fatiguée et, puis qui est, et puis qui tient le coup quand même. Ok, ah ouais. Et toi, tu serais là pour revamper la situation avec ta musique. Si tu étais une langue. Une langue? Mais t'as entendu parler de Détroit ou tu viens d'improviser? Non, comme ça m'est venu. Ok, parce que tu connais que l'endroit est un peu passéiste, un peu... Ouais, un peu fatigué, mais en même temps, je crois qu'il y a des gens qui viennent un peu partout pour le remonter le truc. Je trouve ça assez beau. Oui. Mais non, une langue... Pardon. Une langue... Ouais, j'aime bien parler espagnol, j'aime bien parler argentin avec ma femme. Ok, ah ouais. Parce que Espagne est argentine. Ok, ah oui. Est-ce que tu l'as rencontré grâce à ta musique? Grâce non. À... Ok. Si tu étais une époque? Écoute, aucune époque du passé. Parce que je trouve que... Donc plutôt celle de plutôt aujourd'hui ou demain. T'es très actuel. Non, mais parce que je trouve que... Je peux être passéiste à certains égards, mais il n'y a aucune époque, je trouve historiquement, il n'y a pas de bonnes époques. C'est-à-dire que chaque époque qui est bien dans un certain domaine l'est pas dans d'autres. Et c'est un truc qui m'a toujours frappé en musique. Tu peux dire, ah ouais, je sais pas, le jazz en 48, c'est génial ou un truc. Mais par exemple, sur la société elle-même, sur la politique, il n'y a pas une période historique où on peut dire c'est bien. Je sais pas, on peut aimer l'Antiquité. Mais en Antiquité, il y avait l'esclavage, il y avait des choses extrêmement dures, etc. On peut aimer le Moyen-Âge, mais il y avait des choses aussi d'une cruauté sans nom. Donc je trouve qu'il n'y a pas de, il y a pas d'âge, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'âge d'or. Si tu étais un mot? Un mot? Il y a un mot que j'utilise beaucoup, je crois, malheureusement, c'est le mot « truc ». Ok, pour généraliser. Nous... Ouais, je dis alors ce truc, machin, bon. Donc, okay. Gainsbourg avait fait machin chose, hein, une chanson qui... Si tu étais un aliment? Un aliment... Monsieur, bonjour. Bonjour, je vais prendre un double espresso. Ouais. sais si c'est un truc que j'aime avec bien, un verre d'eau, mais... merci. Si j'étais un aliment, je sais pas, j'essaierais de... je sais pas, un truc assez standard, enfin. J'aimerais bien être un truc. C'est pas ce que je serais, mais ce que j'aimerais être, c'est un truc standard, pas un truc extra-entrée. Non, mais pas d'huile d'olive pour bobo, okay. Quoi. Tu vois, un truc qu'on trouve partout, normal et qui soit bien foutu, okay. Tu vois. Alors, je sais pas ce qu'il y a comme aliment. Tu vois, qui est comme ça. Je sais pas. Il paraît qu'on peut faire plein de trucs avec du Philadelphia. Oui, bah oui. Alors, je dirais ça, une motte, oui, une plaquette, fromage, une plaquette, ouais, de Philadelphia. Ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, la Philadelphia. C'est ça? Ouais. Ok, avec des croustilles, n'importe ouais, quoi. On peut, je crois qu'on peut faire plein de trucs avec ça. On peut, tu l'as jamais essayé? Hein? Tu l'as jamais si, essayé? Si, si, mais okay. Je crois qu'il y a plein de recettes, de trucs possibles. Oui. Tu mets ça dans une sauce aux tomates, là, c'est merveilleux. Ouais. Ça. Si tu étais une... hey, c'est bien un diabétique qui s'amuse avec des carrés de sucre. Non. Ben oui, regarde, tu joues avec des carrés de sucre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si tu étais, c'est bon, hein? Si tu étais une saison. Bah, l'automne, c'est bien. Pas mal. Mais là, automne. Printemps, automne. C'est pas l'été. Ok, mais on se croirait à l'automne. Oui, c'est bien. Hier, c'était beaucoup plus lourd, là. Printemps, automne. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Merci. Vous pouvez jouer avec moi. J'aimerais bien trouver un membre où on a jamais, qui fait pas trop mal. Il y a, qu'est-ce qu'il y a, quel est le membre dont on souffre le moins en général, il y a bien une partie du corps où qu'est-ce que ça peut Bah, les cheveux, c'est bien, ça fait pas mal. Non, c'est vrai. On peut s'arracher les cheveux. Mais... Si tu étais un moment de la journée. Ben, entre chien et loup, c'est bien. Ok. Si tu étais un autre individu. C'est con, mais j'aimerais pas. Enfin. Je pense que quand on est un homme, quitte à être un autre individu, autant être une femme. Ok. Qui? C'est plus intéressant. Une femme, les femmes en général ou une femme. Je sais pas, mais je pense que quitte à changer, autant, okay. Autant y aller franchement. Il y a quelque chose, monsieur, qui me revient pas. Je sais pas quoi, mais je vois que ça. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Voilà, excuse-moi. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Certainement. Ouais, y compris les erreurs et tout ça, ouais. Autant au niveau professionnel qu'au niveau... Ouais, à peu près. Oui, parce que je pense que les mauvaises expériences, c'est des choses aussi... qui nous construisent et... nous enrichissent. Ouais. Et moi, je considère qu'en plus, dans la vie, pour moi, les origines sont exonératrices. C'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi dans un milieu privilégié, c'est que, par exemple, c'est quelqu'un qui a un handicap dans la vie aussi. C'est-à-dire qu'il lui manque certaines choses. Donc moi, les itinéraires des gens, j'ai tendance toujours à les considérer avec... quel qu'il soit, avec beaucoup de bienveillance, y compris on voit des gens un peu, tu vois, que ce soit des gens qui ont vécu dans des milieux socialement difficiles ou dans des milieux plus choyés, quelqu'un qui a eu une enfance heureuse, par exemple, c'est pas forcément quelque chose que j'envie, okay. Tu vois, parce que je pense qu'il y a des gens comme ça, ça fait des gens parfois assez, assez fades et tout ça, donc... Donc tout ce qui constitue une trajectoire, ce qui m'intéresse, moi, c'est où les gens vont aller. J'ai jamais... Tu vois, je sais pas, quand je travaille avec des gens, je lis jamais les CV des gens. Okay. Vois, je veux pas savoir. Enfin, je les lis, mais j'en tiens. Tu vois, quelqu'un. Tu lui laisses la même place. Un musicien, ouais. Savoir avec qui il a travaillé, etc. Ce qu'il a fait, c'est une indication. Mais je me dirais jamais, ah non, je veux pas de lui, il a fait ça, il a travaillé avec telle personne, parce que ce qui m'intéresse, c'est au contraire ce qui va aller. C'est pour éviter les préjugés. Ouais, je pense. Et donc, ouais, je trouve que c'est. Ce qui est intéressant, c'est justement voir les évolutions et voir. D'où on part et où on arrive, c'est ça qui est beau. Est-ce que tu as beaucoup de projets à venir ou Écoute, j'en ai aucun. Ok, Non, je sais pas du tout ce que je vais faire. Bon, à la rentrée, je sais que je vais faire des concerts. Ok. Et après, je sais pas, je vais peut-être faire une musique de film. Mais bon, c'est pas encore sûr. Mais si c'est le cas, c'est un projet qui me passionne. Et voilà, je vais sortir d'autres choses sur le label, mais j'ai jamais, voilà, je sais jamais très, très bien ce que je vais faire après. Dans les années 80, tu peux aussi ne pas en parler, il est arrivé quelque chose, tu veux appuyer l'extrême droite, est-ce que tu es toujours dans cette vision-là aussi? Bien sûr que non, mais déjà à l'époque, c'était quand même, c'était un peu plus complexe que ça. Ok. C'était vraiment... j'étais dans des. J'étais dans une mouvance qui était, même si elle était assimilée, si elle pouvait être assimilée à l'extrême droite, était quand même très très très différente de ce qu'on peut entendre par ça. Okay. Et donc évidemment j'ai évolué, mais la situation aussi a évolué parce que la plupart des choses pour lesquelles à l'époque on pouvait se battre, qui étaient essentiellement la fin du monde de Yalta en réalité, c'est-à-dire d'un monde bipolaire, de l'affrontement américano-soviétique et tout ça, ça a changé. Donc à partir de là, c'était tout à fait naturel. Mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, moi, 18-20 ans, on m'aurait dit que j'étais extrême droite, ça m'aurait énervé. Okay. J'aurais pas du tout été content. Ok. Donc, c'est un parcours de vie. C'est un parcours, et c'est un parcours que je renie pas du tout, qui m'a construit. Et au contraire, si j'avais fait des choses dont je peux, si j'avais fait des choses que je puisse regretter, je le regretterais. Okay. Je trouve que dans la vie, on fait beaucoup plus de... Les choses que je regrette, elles sont beaucoup plus d'ordre intime. On peut blesser des gens. Okay. On peut blesser des gens. Et souvent, les choses les plus moches qu'on fait dans la vie, c'est sans le vouloir. Ouais. C'est-à-dire, on peut faire du mal aux gens qu'on aime, on peut faire des choses comme ça, et on s'en rend pas compte à ce moment-là. Et c'est ces choses-là, en général, qu'on regrette. Et en tout cas, moi, c'est ça que je regrette. Tremblay-Galland, merci d'être passé à mon émission à Québec. Ouais. Les gens vont adorer parce que t'es un musicien hors pair chez nous. On adore ce que tu fais. Merci. Mais je suis super content de venir et je suis super content de t'avoir rencontré. Ben écoute, moi aussi. Enfin, nous avons fait la rencontre et je suis très heureux. Ah ben extra. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. Bye.